Faut tous les mis à voir, faut toutes les mis à voir. Je connais les blazes, LRAC, le poteau. Dans ma ville, les gens kiffent les balades. Le soir c'est race de malades, ici pas de palace. Petite ville tranquille, tu sais, t'as un peu trop. Une dédicace à mes potos, souvenirs marqués par nos photos. Les week-ends, ça squatte le bowling pour voir des gamines qui sur la piste sortent la string. J'en suis banni, c'est ça ou la Bama. Et c'est pour elle, c'est pas mal. L'été c'est les campings, tous rêvent d'une hollandaise. Beaucoup ils penchent comme la braise, espérant une bonne baisse. Dans ma ville, on tape trois bises, rempart tes deux et quatre, fait tourner la tease. Et puis dans ma ville, les reçois suivent tout. Tout le bat, tout le monde se bat, les lâches se battent. Quand les plus fous finissent au bar, tu sais, quand les coups partent. Ma ville c'est fait de villages, scandale et carnage. À Vabre, c'est dans la piste que l'on nage. Peu importe les âges, chez moi ça tourne au mélange. Plutôt des manquants, j'texte éloquent. Mais dans ma ville, faut arrêter, y'a pas de délinquants. Ma ville, c'est le viaduc, un compte à l'autre duc. Les jeunes font les racailles, à 14 piges se prennent pour les adultes. Et mes rimes, les adultes, ma ville, peut-être ridicule. Mais me dis pas que je suis bien chaud, pas de rasso, bien chaud. C'est au whisky. Que je capitule, ma ville n'a pas de capitole. De comédie ou tu réfères, en effet, ma ville n'est pas Toulouse, Montpellier, Paris. Mais je reste fier, frère. Mais dans ma ville, au monde à roue, les bandes roulent en wagon pourri. Des mondes pour eux, je suis pour eux. Mi au ma vie, mi à voix, quand j'élève ma voix, voix, ta ville belle, si belle, j'avoue, envoie mes décibels, message volé par Claveron, message donné par Pulveron. Pour mi au ma vie, mi à voix, quand j'élève ma voix, voix, ta ville belle, si belle, j'avoue, envoie mes décibels, décidé par mes idées, inventer cette ville où je suis né. Beaucoup se la racontent, et les racontent qu'il n'y a rien à faire, les ragots courts, les plus débiles pensent y faire des affaires, ma ville, c'est aussi les flics qui se prennent pour des cowboys. N'ont pas compris qu'il n'y a pas de vaches ici, juste des bonhommes et pas mal de moutons. Ça t'étonne si j'en critique, c'est que ma ville est remplie de sales types. Bah ouais, ma ville est toute petite, tout le monde connaît tout le monde. Dans ma ville, les réputes se forment et se déforment. Si tu fais la pute ou bien dépasse les bornes. Dans ma ville, t'es tout et rien, tais-toi au bien. Tu sais que les ragots circulent, que les merdes s'accumulent. Ici tu bouges en prêle, scooter de merde, et 50 à boîte qui a les brailles. Putain ma ville est belle, mais les gens comprennent que dalle. Ma ville, c'est le beffroi et la capelle. Je pense que cette rime t'interpelle. Tu connais ces lieux, Mio. C'est mon milieu, c'est mon Vigo. Si t'as stagné du côté de Marcel et Mar, Jean Vigo, Jeanne d'Arc. Si toi aussi t'en as eu marre, place Foch, parc de la mairie. Et je vois déjà que les mecs rient. Certains écrits vous parlent sur mes cris. Ma ville, je te la décris. Le soir, les peules crissent. Les petites rues sont de la pisse. Je te parle de ces lieux où t'as passé du temps. Tant de temps à refoudre, juste à attendre. Dans ma ville, on s'y ennuie l'hiver. Sûrement pour ça que je pose mes verres. Pas de concert, ma ville, c'est mon inspiration. Second morceau tout droit sorti de mon crayon. Je reprends respiration. Pour mi au ma vie, mi à voix, quand j'élève ma voix, voix, ta ville belle, si belle, j'avoue, envoie mes décibels, message volé par Claveron, message donné par Pulveron. Pour mi au ma vie, mi à voix, quand j'élève ma voix, voix, ta ville belle, si belle, j'avoue, envoie mes décibels, décidé par mes idées, inventer cette ville où je suis né. Y'a trop de choses à dire. T'ai-je parlé de ces sportifs, de ces rivières, tarnées d'ourbis et des nerveux qui restent actifs. Stade scolaire, street basket, et moi toujours mon sale loup casquette. En quête de bon son et de putain d'action, les jeunes ici sortent pour fumer ou boire. Ma foi je le comprends, il n'a même pas une boîte. J'ai les mêmes moites quand je gratte. Ma ville me fait remplir des pages et des pages, je l'aime. J'y resterai des piges et des piges. Je sais que tu comprends pas toi qui bouge vers les métropoles. Habitué au métro c'est drôle, pour moi c'est trop. Les grandes villes m'affolent, les trottoirs de Mio qu'il faut que je foule. J'aime pas les gens, déteste les fous. Dans ma ville, tu me prendras pour un fou. Défoncé à l'alcool, j'ai la vision floue. Ici quand tu sors, tu dis bonjour à au moins 20 personnes. Quand les cloches sonnent, les vieux vont à la messe. Et les millions squattent les bancs de leurs grosses fesses. Frère, quand certains se confessent, ils ont tombé des pierres et traînent leurs chiennes en laisse. Dans ma ville, les meufs s'y font rares. Mais je m'en fous, moi je préfère mon rap. Normal, dans ma ville, il n'y a pas de fatu. Il reste que ceux qui se voient la face, espérant du boulot, finiront SDF. Leur bouche collée, un goulot. J'en fais sûrement, tu pars, dis-moi. Tu penses qu'il faudrait que je me barre, trouve-moi mieux ailleurs. Kiffe trop l'ambiance ici et d'ailleurs. Je quitterai jamais mon sud, c'est sûr. Allez, fini. C'était LERAC. Parler de ma vie qui part en vrille. Mio, ma vie, mi avoise quand j'élève ma voix, voix, ta vie, belle si belle, j'avoue, envoie mes décibels, message volé par Claveron, message codé par Pulveron. Mio, ma vie, mi avoise quand j'élève ma voix, voix, ta vie, belle si belle, j'avoue, envoie mes décibels, décidé par mes idées, affronter cette ville où je suis né. Mio.